tous les matins. Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Exactement. Barack Obama a choisi le sénateur John Kerry pour prendre la succession de Hillary Clinton au poste de secrétaire d'État. John Kerry, Clinton, Hillary, Obama, bien, doit bien se marier avec Maison Blanche. Gérard Depardieu se sent injurié par les critiques sur son exil fiscal en Belgique, annonce qu'il rend son passeport français. C'est normal de rendre son passeport quand on a un gros lard. C'est mince. L'Américain Kelly Slater n'est plus champion du monde de surf. Il a laissé sa place à un Australien. Malgré ses tremblements, Joel Parkinson est devenu champion. Des dizaines de milliers de partisans du mariage homosexuel défilaient hier après-midi à Paris. Une manifestation sponsorisée par Decathlon, qui a pour l'occasion offert des gaouets de la marque Échoua. Évidemment, avec la pluie qu'il y avait, il fallait bien mettre toutes les tentes à l'abri. Ouais, Decathlon, c'est bon ça. Et pour terminer, si vous aimez les bières mexicaines et les séries pour femmes, buvez une bonne Desperados Housewives. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Question existentielle. Oui. À base de? Ben, à base de lait. À base de lait, c'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'on m'a dit que le lait avait tourné. Ouais. Mais en fait, moi à je l'ai gauche pas... à droite. Bah non, c'est-à-dire que je l'ai pas vu sortir du frigo, donc du coup, je sais pas de quel côté il est parti, quoi. D'accord, donc tu recherches. Bon, je comprends. Bon, on va appeler à Loyers. Allons-y. Allez, c'est parti. Comment on dit alors, André? Allo Loyers. Hein, on dit Loyers, on dit Loyer, on dit Loyers. Loyers, ça va, la main, je gère. On Loyers. Ok. C'est parti. On appelle. Ouh, ça va dormir là, cette heure-ci, je parie. Debout. Allô. Oui, bonjour, monsieur. Madame. Ah pardon, excusez-moi madame. Voilà, en fait je vous appelais parce que j'avais une petite question à vous poser. Mais est-ce que vous savez l'heure qu'il est? Oui, tout à fait madame. Vous êtes qui? Je suis Toff. Et je vous appelais parce que j'avais une question à vous poser. Ben allez-y bien vite parce que je viens de me lever et j'attends l'infirmière. D'accord, ben en fait voilà, je voulais vous demander, on m'a dit que le lait avait tourné. Et du coup je me demandais de quel côté il était parti parce que je ne l'ai pas vu sortir du frigo. Vous êtes en train de rigoler de moi là. Mais pas du tout madame, pourquoi vous dites ça? Bah, enfin pourquoi elle n'a pas répondu, c'est dommage. Ouais. Pour une fois qu'on tombe sur quelqu'un qui est réveillé. Oui, mais c'est oui. Ça. Bah, bon. Elle vient de se lever, elle est peut-être encore un peu de mauvaise humeur. C'est vrai, bah, attends on la rappelle pour voir. Bon à mon avis ça va couper court. Hein. Oui. Oui, excusez-moi, on a été coupé, vous n'avez pas le temps de me dire si vous aviez vu passer le lait. Écoutez, je suis allergique au lait, je prends le celui sur lactose. Donc. Ah, bah, je dis, mais ça ne me dit pas de quel côté il a tourné. Bon, bah voilà, on va, en tout cas elle est allergique au lait, elle prend voilà. Bah, voilà, elle a bien raison. C'est pour ça du coup elle s'en foutait de savoir de quel côté. Oui, bah oui, mais... tu m'étonnes. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah, alors t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Oui, bah oui, là on va en parler aussi, je vous avais dit, hein, c'est passé vendredi sur TF1, donc hein, vendredi soir, le grand retour de Qui veut épouser mon fils, avec évidemment une grosse décision à prendre. Bah oui, c'était pour les candidats, commencé par Frédéric, il doit en choisir une, mais qui sera l'élu? Sachant qu'il faut en choisir une, et puis voilà quoi, donc c'est Sandrine, ça veut pas être toi quoi. Eh bah voilà, c'est pas toi, bah, je dois en choisir une, donc autant parler directement à la gagnante, non, il va d'abord parler à celle qui vire en disant, eh bah écoute, bah c'est pas toi, voilà, hein, allez tu prends tes affaires, t'es cliqué, t'es claqué, tu t'en vas. Bon évidemment Frédéric essaye quand même de rassurer avec de bons arguments. T'es gentil, très très gentil, t'as une belle joie de vivre. Eh oui, tu as une belle joie de vivre. Ah oui, déjà, c'est horrible de dire à une femme qu'elle est gentille. Voilà, c'est ça. Ouais, t'es gentil. Tu sais, t'es gentil. Gentil quoi, voilà, c'est ça. Un peu comme toi, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. T'es Audrey aussi, elle est gentille. Bon, il lui dit gentiment de reprendre ses valises justement et de rentrer chez elle. Hein. Bah, je pense qu'on va se quitter là. Le chemin vont séparer. Oui. Malheureusement. Paris. Tu vas revoir ton beau pays. Voilà. Je te remercie d'être venu quand même à Nice. N'importe quoi. Bon, je te remercie d'être venu, hein. C'est ça, genre, t'es gentil et je te remercie d'être venu, c'est quand même dur. Hein. Bon, évidemment, sa prétendante bien curieuse demande quand même le programme hein, de Frédéric pour ce soir. Quel est le programme de ce soir? Bah, le programme de ce soir, tu rentres à ton hôtel et puis moi je vais retrouver Sandrine. Oh, Et bim, tu prends ça dans ta gueule. Voilà, tout simplement. Et puis moi, je vais retrouver une autre. Hein. Donc, dans qui veut épouser mon fils, évidemment, c'est à la chaîne, hein, la présélection. Hein. Voilà la remplaçante. Et ben voilà, hop là, la remplaçante, elle est déjà là. Hein. Mais alors, qu'a fait David hier soir, justement, avec Aurélia? Alors, bien sûr, dans qui veut épouser mon fils, hein, le couvre-feu est à 20h. Alors, Aurélia et moi, nous avons mangé hier dans un restaurant, un petit restaurant atypique. Ouais. Après, on est rentré. Et on a dormi direct. Et bah oui, voilà, c'est bah, ça, on a dormi direct. Bah voilà. Oui, après le restaurant, hop, dodo. Bah oui, super. Voilà, bah, attends, oh, j'ai eu beaucoup de travail le lendemain, moi, c'est bon. Bon, et pour conclure l'émission de vendredi, et même, je dirais, toutes les émissions, hein, qui veut épouser mon fils, c'est aussi des rencontres formidables avec comme. Comment dire. De l'émotion. Donc, Chantal, attends, vous faites plein de bonnes choses pour la suite. Je suis venue dans cette aventure dans le but de rencontrer quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un, mais pas la personne prévue. Au lieu de rencontrer l'homme de ma vie, entre guillemets, j'ai rencontré une femme formidable et grâce à vous, cette aventure était vraiment sympa. Et ben voilà. Merci pour tout, Chantal. Mais oui, hop là, voilà, j'ai rencontré une femme formidable. Mickaël à la radio. Le replay. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Et on va jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien. Face à Aline, tu connais le principe, j'imagine. Oui. Bon oui, il faut pas dire oui, il faut pas dire non, et il faut pas dire le mot que je vais annoncer dans un instant. En moins d'une minute, si tu arrives à lui faire dire un de ces mots-là sans que toi tu les dises évidemment, eh bien tu repartiras avec un iPod. Sinon évidemment tu repartiras les mains vides. Et ce matin, ni oui, ni non, ni ce matin, ni ma. Ma M-A, oui, on verra. Ça se dit souvent? Ma, bon, je sais pas, ma mais... maison, ma machin. Ouais. Je sais pas. Parfois, c'est ceux qu'on dit pas souvent qui sont plus prêts. Bah ouais, parce qu'on n'y pense pas, donc faut voir. Ah bah. Allez, ni oui, ni non, ni ma. Emilia, t'es prête? Oui. C'est parti. Emilia? Aline. Coucou. Aline. Ça va? Aline. C'est moi. Je ne t'entends pas, Aline. Fais plus Aline. Fort, ton GSM. Ah. Comment tu vas? Ça va et toi? C'est terminé de ton week-end? Tout à fait, c'est à Audrey qu'il faut demander ça. Ah, excuse-moi. Que vas-tu faire aujourd'hui? Ah, moi, je vais repasser, encore une fois. Ah, ouais. J'ai pas entendu. Je vais repasser. D'accord, t'aimes bien? Bah, il faut le faire. Et toi? Je reste ici, à Fun Radio. Ah, et tu vas rien faire alors? Non. Oh, ah, non. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, quelle nouvelle! En plus, je faisais attention. Eh ben voilà, Emilia, l'iPod est pour toi grâce au non-talent d'Aline. Exactement. Bon, ça faisait longtemps qu'elle avait perdu. Hein. C'est vrai. Voilà, Emilia. Bah oui, voilà. Voilà, Emilia, bravo à toi. Merci bien. Avec plaisir. Gros bisous, Emilia. Merci également. Je t'en prie. Bravo à toi. Bye bye, Emilia. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.